perchés sur nos tours de Babel. On se menace nucléaire. Dans l'espace, on espère un no man's land, une autre terre. Superman est sur répondeur. Nous ne sommes plus à la hauteur. Partout les gyrophares se marrent pendant que passent les corbillards. Et puisque tout fout le camp, laissons le vent tenir les rênes. Et pour rester vivant, croire que le monde peut se refaire. Une illusion nécessaire. L'humanité manque à l'appel. Notre futur est virtuel. Mais Satan nous veut vivants. Où sont les charmeurs de serpents? Et puisque tout fout le camp, laissons le vent tenir les rênes. Et pour rester vivant, croire que le monde peut se refaire. Une illusion nécessaire. Sur nos écrans, puisque les drapeaux blancs sont à court d'arguments. Et puisque tout fout le camp, laissons le vent tenir les rênes. Et pour rester vivant, croire que le monde peut se refaire. Une illusion nécessaire. Une illusion nécessaire.